Quand nos paroles ne concordent pas avec nos actions, nous obscurcissons notre témoignage. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si je vous demande de me nommer quelques grands serviteurs de Dieu, quels noms vous viennent à l'esprit? David, Paul, Pierre, ces hommes ont bien entendu tous accompli une œuvre grandiose pour le Seigneur, mais d'autres serviteurs moins réputés ont également fait des choses fantastiques pour Dieu. Charles Stanley a donc décidé de baser cette série d'émissions intitulée « Notre témoignage » sur la vie d'un diacre, Philippe. Bien que cet homme ne soit pas souvent mentionné parmi les grands noms de la Bible, il possédait un esprit de serviteur qui nous serait tous profitable d'imiter. Au cours de cette émission, vous pourrez apprendre comment la rencontre de Philippe avec un Éthiopien illustre l'importance de notre témoignage. Voici Charles Stanley. Quand nous pensons à témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie, nous ne considérons habituellement qu'un aspect de notre témoignage. Et j'aimerais vous démontrer dans cette émission que notre témoignage contient plus que nous pensons habituellement. C'est pourquoi je souhaiterais également vous prouver combien votre témoignage est important. Car dans la vie des personnes qui vous entourent, votre témoignage pourrait faire la différence entre la foi et l'incrédulité, entre l'acceptation ou le rejet de la personne de Jésus-Christ, et donc entre le ciel et l'enfer. Notre témoignage est donc excessivement important. Nous pouvons maintenant énumérer trois aspects qu'il concerne. Premièrement, notre caractère, c'est-à-dire qui nous sommes, témoigne de nos valeurs. Et lorsque nous pensons à notre témoignage, notre caractère en est la partie invisible. Je sais que nous l'exprimons d'une manière différente et qu'il existe des manifestations différentes du caractère, mais le caractère est cet aspect de notre témoignage que l'on n'entend pas et que l'on ne voit pas. Et si quelqu'un vous demande si vous avez déjà donné votre témoignage, vous l'avez sûrement fait. Vous transpirez, vous exprimez quelque chose par votre seul caractère. Votre témoignage ne commence pas lorsque vous ouvrez la bouche. Il commence avec l'expression de votre caractère, car votre caractère s'exprime d'une autre façon. Quand une partie de notre témoignage ne concorde pas avec une partie de notre personnalité, nous obscurcissons la présentation de notre témoignage au lieu de la clarifier. Considérez ceci. Êtes-vous d'accord pour dire que si vous avez fait confiance au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, cela fera dorénavant partie de votre caractère? Vous êtes un enfant du Dieu vivant et vous avez donc été sauvé par la grâce de Dieu. Vous avez la foi non seulement pour votre salut, mais si votre caractère est comme il devrait l'être, votre foi dirigera et gouvernera chaque aspect de votre vie. Vous êtes prêt à faire confiance à Dieu chaque jour pour les choses que vous pouvez comprendre, aussi bien que pour les choses que vous ne pouvez pas comprendre. Si un esprit d'obéissance dirige et préserve votre vie, vous ne perdrez pas de temps à vous demander ce que vous allez faire. Si vous connaissez précisément la volonté de Dieu, vous l'accomplirez sans hésiter et sans vous compliquer la vie. Prenez un exemple. Si je suis soumis totalement à Dieu, si j'obéis à sa volonté, je n'aurai pas à peser le pour et le contre au moment de donner ma dîme, ni à me demander si mon budget me le permet. Si je suis soumis à Dieu, et s'il me demande de le faire, je le ferai. Un point, c'est tout. Pensez-y bien. Existe-t-il des aspects de votre vie qui vous font hésiter entre obéir et désobéir à la volonté de Dieu? Et quand vous hésitez, quelles sont les parties de votre personnalité qui entrent en conflit? Existe-t-il quelque chose avec laquelle vous luttez et qui refait souvent surface sans que vous soyez capable de régler la question? Si nous avons un esprit d'obéissance, nous ne contestons pas l'autorité de Dieu. Nous obéissons à sa volonté. Si c'est ce qu'il veut, c'est ce que nous ferons. Un point, c'est tout. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation occasionnelle, mais marcher sous l'autorité de Dieu fait pencher la balance de son côté. Notre caractère exprime donc qui nous sommes à l'intérieur de nous. Notre témoignage commence alors avec qui nous sommes. notre caractère et le premier niveau de notre témoignage. Qui nous sommes? Voilà le premier aspect de notre témoignage. Deuxièmement, notre comportement, c'est-à-dire ce que nous faisons, témoigne également de nos valeurs. On ne peut pas voir le caractère d'une personne. On ne peut pas lire dans sa tête pour savoir ce qu'elle pense, pourquoi elle pense cela, ce qu'elle aimerait faire, ce qu'elle n'aimerait pas faire. On ne peut pas voir ces choses. Mais notre conduite exprime qui nous sommes. En vérité, nous sommes appelés à être des témoignages vivants. Mais si nous ne donnons pas consciemment notre témoignage, nous sommes des témoignages. Nous n'avons pas à nous lever et à parler pour donner notre témoignage. Nous sommes des témoignages vivants et ambulants de qui nous sommes en Christ. Nous allons exprimer qui nous sommes d'une façon ou d'une autre. Nous sommes faits comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne reste plus de péché dans notre vie dont nous ayons à nous repentir. Personne n'est parfait. Mais nous devons tous être des enfants de Dieu qui apprennent, grandissent, marchent, échouent parfois, se repentent de leurs péchés et continuent à marcher dans leur vie chrétienne. Et notre caractère est d'avoir un cœur tendu vers Dieu. Nous voulons devenir des personnes selon le cœur de Dieu. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons lui faire confiance et nous voulons être zélés pour son œuvre. Notre caractère est une expression de qui nous sommes. Et notre comportement est ce que nous faisons. Troisièmement, notre langage, ce que nous disons témoigne de nos valeurs. Pour résumer, notre caractère est ce que nous sommes, notre comportement est ce que nous faisons, et notre langage est ce que nous disons. Beaucoup de gens ont l'impression que leur témoignage commence là, au niveau du langage, mais ce que nous disons est une expression, parmi d'autres, de ce que nous sommes. Ce que nous disons et ce que nous faisons sont des expressions publiques de notre témoignage. Or, quand nos paroles ne concordent pas avec nos actions, nous obscurcissons notre témoignage. Prenons l'exemple de Philippe pendant sa rencontre avec l'eunuque éthiopien. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, il court pour rattraper le chariot. Et dans Actes chapitre 8, verset 30, il dit quelque chose comme « Monsieur, je vous ai entendu lire. Comprenez-vous ce que vous lisez ?» C'était la coutume en ces temps-là de lire à voix haute, même quand on ne lisait que pour soi-même. Et l'Éthiopien a répondu, « Comment pourrais-je comprendre ce que je lis sans un guide? J'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer tout cela. » Il invite ensuite Philippe à monter dans son chariot. Les deux hommes commencent alors à discuter. Et l'Éthiopien lui indique le passage qu'il lisait tiré du livre d'Ésaïe. Sa confusion s'explique par le fait qu'il n'était pas juif. Il était probablement un prosélyte. Il s'était détaché des religions du monde et s'était dirigé vers le judaïsme. Il avait pris la décision d'entreprendre un long voyage à Jérusalem pour adorer. Il avait probablement pris connaissance de tout le rituel de l'adoration juive, mais quelque chose lui manquait encore, et il s'en retournait chez lui en lisant les Écritures et en essayant de rassembler toutes les pièces du casse-tête. Puisque les Juifs, dans leur ensemble, avaient rejeté Jésus-Christ, l'Éthiopien n'avait pas après Jérusalem qu'il était le Sauveur, ressuscité et l'accomplissement du passage d'Ésaïe 53 qui prophétise un Messie de douleur. Il ne comprenait donc pas. C'est pourquoi il voulait savoir si ce personnage faisait allusion au prophète lui-même ou à quelqu'un d'autre. Remarquez bien ce qui se produit à ce moment. Philippe a laissé parler son hôte et a attendu qu'il le questionne. Lisons Actes 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Avez-vous remarqué la réponse de Philippe? Quand nous pensons à parler de Jésus et à témoigner de notre foi, si quelqu'un nous demande, par exemple, « Me parleriez-vous de votre histoire personnelle ?» Nous sommes parfois tentés de parler de notre expérience, de notre vécu, au lieu de commencer par la parole de Dieu. Très souvent, notre témoignage, c'est-à-dire l'expression verbale de la nature de Dieu et de son œuvre dans notre vie, est souvent affaibli par le fait que nous commençons par nous-mêmes. Nous parlons de nous, et nous en restons souvent là, sans en arriver au plus important, c'est-à-dire ce que Dieu accomplit dans notre vie. Mais vous aurez remarqué que Philippe n'a pas commencé par lui-même, mais il est immédiatement parti de la parole de Dieu. Il aurait pu dire « J'étais un incroyant et quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ. Je suis ensuite devenu membre de la première église chrétienne de Jérusalem. J'ai commencé par servir aux tables à la demande des apôtres. Ensuite, j'ai prêché l'Évangile. Pendant que je prêchais l'Évangile, des gens ont accepté le salut. D'autres ont été guéris de leur paralysie. D'autres encore ont été délivrés des démons. Dieu a accompli tellement de choses dans ma vie et je suis sûr qu'il va en faire autant dans la vôtre. » Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi nous perdons beaucoup de gens qui cherchent Dieu? Ils nous écoutent et se disent, « Un instant! Dieu ne fera certainement pas la même chose dans ma vie qu'il a fait dans la sienne. » Et si Philippe avait commencé en parlant de sa propre expérience, l'Éthiopien aurait répondu, « Attends un peu, tu as écouté l'enseignement des apôtres ? Et il est naturel que tu comprennes les choses de cette façon. » Mais Philippe s'est abaissé au niveau de cet homme. Il a commencé avec ce qui l'intéressait. Cet homme voulait absolument connaître la vérité à propos de Dieu. Et comme les Écritures le rapportent, Philippe a alors ouvert la bouche pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et pendant qu'il parlait et que le chariot poursuivait son chemin, ils sont arrivés à un point d'eau. L'Éthiopien a tout de suite manifesté le désir de se faire baptiser. Philippe lui a répondu qu'il pouvait se faire baptiser s'il croyait de tout son cœur. Écoutez-moi bien. Quand nous témoignons de notre vécu à quelqu'un, nous devrions aborder deux sujets. Premièrement, la parole de Dieu et deuxièmement, Jésus-Christ. N'est-il pas curieux de constater que, même quand nous sommes avec d'autres chrétiens, nous trouvons tellement d'autres sujets de discussion à part ces deux-là? Considérez ceci. Jésus-Christ est le centre de votre vie. Il est votre vie. Tout dans votre vie tourne autour de lui si vous marchez dans l'Esprit et si vous êtes un croyant authentique. Et tout dans votre vie doit être filtré à travers lui. Il est votre vie, il est votre âme, il est votre être. Toute notre vie lui appartient. Et s'il est notre vie, comment pourrions-nous passer une heure, deux heures ou trois heures en classe, au travail, à la maison ou ailleurs, sans jamais mentionner le nom de Jésus-Christ, sans jamais parler de choses spirituelles? Comment pouvons-nous passer tout ce temps sans nous trouver en situation de manque? Comment passer tout ce temps en l'absence de Dieu, sans entrer totalement en conflit avec qui nous sommes? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il vit à l'intérieur de nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Il nous a donné le privilège d'être ses ambassadeurs. Nous sommes des témoins vivants et ambulants, des expressions vivantes et ambulantes de la vie du Christ. Voilà qui nous sommes. Comment pouvons-nous passer tout ce temps sans parler de Jésus? Comment pouvons-nous nous intéresser à tant d'autres choses qu'il ne reste plus de place pour Jésus-Christ? N'est-il pas curieux de constater que les gens ne voient pas d'inconvénient à parler de Dieu? Cela ne les dérange pas de parler de Dieu. Je trouve cela tellement étrange. Vous pouvez parler de Dieu aux incroyants. Vous pouvez parler de Dieu aux chrétiens, ou du moins à des personnes qui se disent chrétiennes et qui vont à l'église. Vous pouvez parler de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu signifie pour les personnes avec qui vous parlez? Cela peut être tellement de choses. Il peut s'agir d'une divinité, d'une force, d'une puissance, quelque chose qui pourrait être omniscient, omnipotent. Dieu peut être tellement de choses différentes. Cela dépend à qui vous parlez. Et aussi longtemps que vous parlez de Dieu, il n'y a pas de problème. Vous êtes en sécurité et vous ne ferez pas de vagues. Mais soudain, vous introduisez le nom de Jésus-Christ dans la conversation et il arrive quelque chose de curieux. Tout devient très clair. Il n'y a plus rien d'incertain ou de nébuleux quand il s'agit de Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant, crucifié au calvaire, mort, mis au tombeau, ressuscité le troisième jour, élevé dans les cieux et maintenant assis à la droite de Dieu. Il est lui-même Dieu et le juge de toute l'humanité. Il reviendra un jour. Et toute personne qui a existé, qui existe et qui existera sur la terre se tiendra devant lui pour rendre compte de sa vie. Il n'y a rien de nébuleux et d'imprécis dans la personne de Jésus. Et qu'arrive-t-il dans la conversation? Bang! La controverse explose! Toutefois, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ et que vous en entendez parler, écoutez bien le message. Car vous devrez rendre compte un jour de la décision que vous aurez prise concernant la personne de Jésus. Et vous devrez en rendre compte devant Jésus lui-même. Dieu pourrait vouloir dire n'importe quoi aujourd'hui, mais Jésus-Christ est une personne bien définie. Il est le Fils éternel de Dieu, envoyé sur la terre par son Père afin de donner sa vie sur la colline du Calvaire près de Jérusalem. Il a complètement payé la dette de notre péché par son sacrifice expiatoire. Et tous ceux qui sont disposés à lui confesser leur péché et à le recevoir comme leur sauveur personnel sont sauvés par la grâce de Dieu. Leur péché est pardonné. Leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, « Et ils deviennent pour toujours enfants du Dieu vivant. » Et quand nous présentons notre témoignage, Jésus-Christ doit prendre la première place dans notre conversation. Nous conduisons des gens à Jésus, pas dans une église. L'Esprit-Saint convainc les gens par notre expérience. Trop de gens sont orientés sur leur expérience quand ils livrent leur témoignage. Jésus est à peine mentionné ou totalement ignoré. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait ceci et Dieu a fait cela. Mais qu'en est-il de Jésus? L'approche de Philippe est donc très intéressante de ce point de vue. Les Écritures rapportent qu'il s'est basé sur la Bible pour mener l'Éthiopien vers Jésus. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et nous devons aussi remarquer que Philippe ne s'est pas contenté de parler de Jésus, mais il a présenté l'Évangile avec beaucoup de clarté. Je vais bientôt vous dire pourquoi. J'aimerais attirer votre attention sur une autre caractéristique du langage de Philippe. Il a opéré une distinction très précise entre faire de bonnes actions et placer sa foi en Christ. Lisons ensemble le livre des Actes, chapitre 8, versets 35 à 38. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. La présentation de l'Évangile effectuée par Philippe était à ce point efficace que l'Éthiopien voulait se faire baptiser à la première occasion qui se présentait. Remarquez bien la réponse de Philippe. « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il lui a tendu une perche, mais il est volontairement resté vague, car l'Éthiopien devait faire lui-même le saut de la foi. On peut croire en beaucoup de choses, et on peut croire en beaucoup de choses de tout son cœur, mais une seule sauve et donne la vie éternelle. Philippe ne voulait pas entendre l'eunuque confesser sa foi dans un Dieu nébuleux et indéfini. C'est pourquoi, avant de se faire baptiser, il devait absolument confesser que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous pouvons être sûrs que cette conversation était une présentation claire comme le cristal de la réalité de la nature de Jésus-Christ et de la nécessité de l'accepter comme sauveur personnel. Quand une personne nous demande ce qu'elle doit faire pour être sauvée, ce n'est pas le moment de dire ce que Jésus-Christ a fait pour nous ou ce qu'il signifie pour nous. nous devons lui dire qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la raison de notre salut et pas seulement de notre expérience. Et mon expérience doit absolument se fonder sur la vérité de la parole de Dieu. Philippe a présenté l'Évangile clairement, et son interlocuteur était en mesure de dire qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Philippe a alors accepté de le baptiser. Il a accepté de le conduire un peu plus loin. « Maintenant que tu as fait confiance en Jésus, je peux t'aider à franchir la prochaine étape. » La Bible rapporte que l'Éthiopien a été baptisé, que Philippe est parti et que l'Éthiopien a poursuivi son chemin dans la joie. Un père de l'Église a écrit que cet Éthiopien est retourné dans son pays en Afrique et que Dieu l'a utilisé comme missionnaire afin de répandre l'Évangile sur ce continent. Et tout cela à cause du témoignage de Philippe. Pourquoi était-il aussi efficace? Pourquoi était-il aussi puissant? Pourquoi cet homme l'a-t-il cru? Parce qu'il n'y avait aucune dissonance en Philippe. Sa présentation de l'Évangile était très claire. Il faisait preuve d'un souci sincère pour son compagnon dans son langage, dans sa conduite et dans son caractère. Tout concordait. Tout était régulier. Le caractère de Philippe s'exprimait dans son comportement et son langage, ce qui conférait à son témoignage une énorme puissance. L'Éthiopien ne semble pas avoir hésité. Il a dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Nous sommes tous investis de la même mission, celle de livrer notre témoignage. Regardons le psaume 107, versets 1 et 2. « Louez l'Éternel, car il est bon. » Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Et qu'ils le disent à toutes les nations, comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Êtes-vous obligé d'avoir un diplôme en théologie pour faire cela? Non, mais cela veut dire que chaque croyant, chaque disciple de Jésus-Christ est un ambassadeur, un témoignage vivant et ambulant de la personne de Jésus-Christ. Aussi, notre caractère, notre comportement et notre langage doivent s'harmoniser afin de ne pas donner une mauvaise impression de notre Maître Jésus-Christ. Les gens nous verront et sentiront l'authenticité en nous. Ils seront capables de discerner en nous quelque chose de vivant et de véritable. Ils sauront que nous sommes sincères lorsque nous parlons de notre Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous parlerons de nos temps de prière, de lecture de la parole de Dieu et de notre souci pour les âmes perdues qui s'en vont en enfer, ils sentiront en nous quelque chose d'absolument authentique. Pourquoi? Encore une fois, parce que notre comportement et notre langage seront conformes à notre caractère. Notre témoignage porte en lui des conséquences éternelles. J'ai commencé ce message en expliquant que notre témoignage pouvait faire la différence entre le doute et la foi dans la vie d'une personne qui cherche à découvrir la vraie nature de la vie chrétienne. Nous pouvons faire la différence entre son acceptation ou son rejet de Jésus. Nous pouvons faire la différence entre le ciel et l'enfer dans la vie d'une personne. Notre fidélité envers la parole de Dieu doit demeurer entière, car tant de choses dépendent d'elle. Nous donnons tous un témoignage. Il n'est pas forcément conscient ou extériorisé, mais nous l'avons exprimé à partir du moment où nous avons fait confiance à Jésus comme notre Sauveur. Il peut avoir semblé confus et nébuleux, mais nous l'avons exprimé quand même. Nous sommes des témoignages vivants et ambulants du Christ assis à la droite du Père. Nous nous disons disciples de Jésus et nous le sommes. Les gens ont le droit de s'attendre à ce que nous parlions et que nous nous conduisions comme quelqu'un de semblable à lui. Lisons maintenant un passage du premier chapitre de la deuxième épître de Paul à Timothée. Ce mot d'avertissement s'adresse à tous les enfants de Dieu qui parlent de leur vécu. Regardons d'abord le verset 13 et nous lirons ensuite le verset principal, le 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que devons-nous garder? La vérité de la parole vivante de Dieu. Le merveilleux privilège de témoigner de la bonne nouvelle d'une manière claire. Ainsi, quiconque, dans notre entourage, désire connaître le Christ, sera en mesure de le recevoir, de croire en lui, de le comprendre et d'être sauvé. Gardons ce dépôt qui nous a été confié. Et je me permets d'ajouter que nous devons garder et préserver notre témoignage comme un trésor. C'est ce que la Bible enseigne. Prions. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie dans notre cœur. Que tu acceptes de venir vivre à l'intérieur de nous par ton Saint-Esprit. Que tu nous appelles tes disciples, tes fils et tes filles, aussi faibles, faillibles et frêles que nous puissions être, sont des faveurs qui dépassent de loin notre compréhension. Mais tu as dit que nous étions tes filles et tes fils. Nous sommes tes enfants. Tu nous aimes inconditionnellement et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir ta volonté. Donne-nous, Père, le discernement pour examiner notre témoignage afin de nous assurer qu'il ne contient rien d'obscur ou de flou et que notre caractère, notre comportement et notre conversation soient en totale harmonie. Que notre triple témoignage clame à la face du monde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul espoir de l'humanité et la seule source d'authentique paix et de vie éternelle. Chaque chrétien a la merveilleuse occasion de témoigner de la vérité de la parole de Dieu aux incroyants. Lorsque nous interagissons avec eux, reçoivent-ils une image claire de la nature de Jésus-Christ par notre caractère, notre comportement et notre langage? Charles Stanley nous encourage à nous assurer que nous représentons dignement notre Sauveur. Souvent, nous témoignons de notre foi à notre entourage sans voir de résultats apparents. Il est important de se rappeler que nous devons nous appuyer sur Christ. Lui seul peut produire des résultats dans ce que nous faisons. Nous devons clairement témoigner de l'amour de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais rappelons-nous que seul le Seigneur peut changer le cœur d'une personne. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-6647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.